Je suis arrivée hier soir, hier soir. À... mais bon, nous avons fait une répétition là, assez longue, parce qu'il y a toujours une mise en place à faire. Bien sûr, j'imagine. Pour savoir d'abord choisir un endroit avec la meilleure réponse acoustique, à disposition, faire répéter les différentes parties, ils ne font pas un filage évidemment, mais les passages les plus délicats, les plus subtils. J'imagine. C'est toujours intéressant d'ailleurs, je trouve que c'est même la partie la plus intéressante de mon travail maintenant, de participer à ces répétitions, mais ça prend du temps. Dans quel sens vous dites cela, que c'est la partie la plus intéressante de votre travail de maintenant, parce que vous avez fait un grand parcours? La plus intéressante de mon travail maintenant, puisque maintenant cette pièce, elle est à eux complètement, et ils peuvent tout à fait se passer de moi, mais vraiment ils n'ont pas du tout besoin de moi pour rien, mais par contre j'aime bien être là et partager, c'est surtout le partage qui est important. Donc vous ne donnez pas d'indices ils veulent éventuellement savoir des choses. Éventuellement, oui, sur l'équilibre, sur différentes choses. Mais il pourrait très bien se passer de moi, c'est vraiment. Ils me font la gentillesse de m'accepter avec eux. Moi, je dirais, en expression française, j'aime bien y mettre mon grain de sel. Vous connaissez l'expression française, voilà. Bien sûr. Mais non, je ne mets pas les pieds sous la table. Mais c'est un travail fascinant, celui que j'ai pu faire avec eux, vraiment. C'est merveilleux. Donc là, il s'agit de musique instrumentale, si je comprends bien, donc acoustique, parce que quand on fait des recherches un peu sur ce que vous avez fait, c'est surtout la musique électronique dont on parle, etc. Donc je trouve que c'est une question très très intéressante pour moi. Pour moi, c'est l'accomplissement de ce que j'ai cherché toute ma vie, je peux dire, avec les moyens électroniques que j'ai un petit peu approché, mais maintenant ils font véritablement la musique que j'ai voulu faire. Et à fond, c'est beaucoup plus pur, parce que là, le son acoustique a une pureté, une richesse que n'aura jamais ni l'électronique, qu'il s'agisse de l'analogique et encore moins du digital, qui perd énormément dans ce qui pour moi fait toute la saveur de la musique, à savoir les partiels, la différence qu'il y a par exemple entre un excellent violon et un moins bon, même si les hauteurs sont les mêmes, c'est la richesse du spectre sonore qui est le même, qui est très ample, ou d'un grand chanteur et d'un petit chanteur, un grand chanteur a une richesse d'harmonique qui se déploie et qui est merveilleuse, ou bien il y a l'exemple aussi d'une cloche qui sonne dans la montagne, dès que la cloche s'arrête, les sons sont encore là, vibrés et à faire, voilà. Et j'ai toujours eu envie d'approcher cette musique-là, qui exige et fondamentale, et eux, ils la font. Ils la font avec un talent merveilleux, ils sont extraordinaires. En fait, vous avez quand même longtemps travaillé sur les sons, vous avez fait une recherche, peut-être aussi plutôt de sons à travers les machines, pour le dire de façon très simple, les synthétiseurs À travers le synthétiseur, c'est pas vraiment une recherche. C'est-à-dire c'est le synthétiseur de son qui m'a donné le plus de moyens pour approcher ce type de musique. Disons que j'avais une certaine musique que j'avais envie d'entendre, et pour pouvoir l'entendre, il fallait que je me la fasse. Que vous aviez dans votre tête au préalable, en fait. Voilà, dans ma tête ou dans votre cœur ou dans votre âme. J'aime beaucoup les orientaux qui situent l'esprit dans le cœur, parce que c'est indissociable, alors que dans la tête, c'est beaucoup plus intellectualisé. C'est intéressant aussi, mais c'est une autre approche, un autre protocole d'approche. Alors, à l'occidental, je dirais dans la tête, et à l'oriental, je dirais dans le cœur. Mais c'est la même chose, c'est chercher... Et donc, ça a d'abord été avec des moyens très sauvages, des feedbacks, enfin, mais ça c'était dans les années 60. Vous savez peut-être même plus ce que c'est, vous avez oublié. Et vous ne l'avez peut-être jamais c'était su. Toute petite, mais c'était les seuls moyens que nous avions à l'époque. Et c'était très intéressant. Déjà, ça m'exigeait beaucoup de soins, de patience, de. Et c'est ce qui a développé d'ailleurs chez moi beaucoup de patience et de soins à manipuler les potentiomètres avec une grande délicatesse. Par contre, évidemment, les synthétiseurs analogiques et entre autres mon merveilleux harpe me permettaient d'aller un petit peu plus loin, d'avoir un peu plus de précision, de mieux maîtriser. Et bon, j'ai fait mon métier, mon petit métier, pour citer Ramuse. Oui. Oui. Pourquoi je pose cette question-là? C'est un peu aussi par rapport à ma propre expérience, là. Tout ce qui est musique, plus lié aussi à ce monde en fait, électronique ou digitalisé, etc. En fait, je l'ai approché très tard et j'ai beaucoup travaillé moi-même toujours avec le son. Le son de la voix, en fait. Ah, oui, oui. Et je trouve que c'est difficile, et puis c'est enrichissant, et puis il y a des dangers aussi, parce qu'il y a par rapport à l'écoute. Et on peut soit en profiter pour agrandir l'écoute, ou parfois ça se perd, ou dans le monde électronique que je côtoie un peu ici, aussi en Bourg, parfois c'est très intellectuel. Hein, donc oui. J'ai l'impression que c'est parfois plus intéressant de parler aux musiciens ou de les entendre parler que d'écouter leur musique, en fait, parce que c'est des propos. C'est un peu l'expérience que j'ai faite dans mes jeunes années quand j'ai abordé la musique de décaphonique, la musique des doux sons. Qui était intellectuellement très intéressante, hein, de jouer avec ces séries, les renversements, les récurrences, hein, de respecter les règles de la verticalité, horizontalité. Mais comme je n'étais pas particulièrement amateur de dissonance, je cherchais toujours à organiser ça en deux tétracordes, un peu comme dans les modes anciens grecs, mais il y avait toujours des endroits où ça coinçait. Enfin, oui. Mais bon, je faisais ça comme maintenant je ferais un sous-loco ou un mot croisé, c'est-à-dire c'était un jeu intellectuel, mais le résultat sonore émotionnel n'était pas totalement satisfaisant. C'est pour ça que ma rencontre avec Pierre Schaeffer a été absolument. Du travail de Pierre Schaeffer, à travers une émission de radio qu'il donnait le matin, dans les débuts des années 50, a été déterminante. Parce que de dire, mais oui, mais après tout. Alors, tout est musique, mais tout est dans la manière d'entendre et de sélectionner. Nous parlions hier de. Bon, c'est aussi un des grands. Un de mes grands lieux d'apprentissage ont été les avions. Plus ceux de cette génération, ils sont trop lourds, trop. Mais les avions à hélice d'abord, enfin, qui avaient une richesse, une délicatesse sonore, on pouvait, simplement par la sélection naturelle que fait l'oreille, de filtrage, on pouvait passer, se faire une symphonie complètement. Puis les premiers avions à réaction aussi, ce qui était. J'en citais un qui avait fait un jour le Nice-Ajaccio, mais il était merveilleux. Maintenant c'est plus difficile, mais donc qui tout d'un coup autorise à écouter. Vraiment, et à écouter l'univers sonore qui nous entoure et à le transformer en musique, d'abord en soi-même. Mais ensuite, là, je citerai une de mes amies et ancienne élève, Laetitia Sonami, qui avait fait une très jolie musique qui évoquait la grande jetée qu'il y a dans la baie de San Francisco. Et il y avait effectivement une musique. C'est à différents plans, certains très lointains, d'autres beaucoup plus proches, et ça ressemblait beaucoup à une pièce qu'elle avait faite. Elle avait dit oui, mais si je l'avais enregistrée telle quelle, ça restait très plat, il fallait la reconstruire. C'est-à-dire que dans tous ces sons qui nous sont donnés, il faut les reconstruire. Mais c'était, ça a été confirmé par John Cage, nous sommes tous des héritiers de John Cage, qui nous ont donné cette liberté tout d'un coup de dire mais la musique ce n'est pas seulement justement... Bon, ceci étant, je suis de formation de musique classique, j'adore la musique classique, mais je trouve qu'elle a, elle est à un tel point de perfection et d'accomplissement qu'on ne peut rien faire de plus avec. Ouais. Et alors, curieusement, la seule petite chose que je rencontre maintenant avec une grande joie, c'est que la musique classique telle que nous la connaissons, il a fallu... comme vous le savez sans doute tricher un petit peu parce que la quinte juste c'est le tempérament c'est le... voilà le fameux tempérament et que j'ai toujours pensé comme tout dans tous les nombres irrationnels il y en a beaucoup c'est cette infime petite marge c'est ce qu'on appelle l'effet papillon mais qu'à partir de cette toute petite marge il y a plein de choses qui se passent et donc il ne s'agit pas là de faire, par exemple, d'accorder l'instrument quand c'est possible, comme la harpe, ou quand ce sont des merveilleux instrumentistes comme Charles Curtis, quand il joue la Monte Young, sa pièce, c'est une acrobatie extraordinaire pour l'oreille de jouer dans une intonation juste. Parce que là, comme il joue, sur ce jeu qui se passe au-delà de la fondamentale. Il faut bien qu'il y ait une fondamentale, de bien toute sûr. Façon. Et c'est ce qui prédomine quand on commence à écouter. Mais au bout d'un moment, l'oreille est beaucoup plus attirée par tout ce qui se passe au-delà de la fondamentale. Et même si elle est encore là, on y prête beaucoup moins attention. Et les harmoniques, si elles ne se préoccupent pas du tempérament, elles jouent ensemble, mais de façon parfaitement juste. Alors il y a des petits battements, des pulsations, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est chaque fois la même chose et chaque fois différent, comme disait le poète... Verlaine, j'ai rêvé d'une femme étrange et belle, qu'il soit jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et qui m'aime et me comprenne. Ben là, c'est une musique qui est un peu comme ça, c'est-à-dire elle est très, comment dire, c'est pas une improvisation du tout, c'est-à-dire les pièces sont structurées, il y a toujours un fondement, il y a une histoire. Et puis un mode de travail, parce que comme ça ne peut pas être écrit. Donc il faut un mode de communication quand même, à la fois donc par la parole, l'abstraction, les gestes aussi, enfin tout ce que, mais on s'entend très bien. Puis j'ai toujours eu la chance de travailler qu'avec de merveilleux musiciens et qui sont venus vers moi. Moi je ne demande jamais un musicien, mais qui connaissaient mon travail, donc ils savaient à quoi ils allaient s'exposer. D'accord. Charles Curtis, qui était le premier à me demander, il savait très bien que je n'allais pas lui écrire une nouvelle suite de Bach. C'était évident. Et ça m'a passionnée, de faire ce travail. Et en même temps, parce que j'ai découvert aussi la joie du partage, parce que avec mon synthétiseur, j'ai travaillé toute ma vie vraiment très très solitaire. J'allais le dire, vous étiez très seul. Solitaire. Hein, très très seul. J'avais ma seule assistante, mes assistantes successives ont été les petites chatounes. Oui, justement, j'ai vu, je pense à une vidéo que j'ai regardée hier soir pour me préparer. Je n'ai eu que des assistantes très musiciennes qui, tant que je les voyais rester très calmes, très tranquilles, je savais c'était que ça allait, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dresse à l'oreille, je me dis pardon, excuse-moi, je vais reprendre. C'est un peu maigre pour l'échange comme assistance. Donc là, vous vous retrouvez en fait dans un échange d'écoute. Non, maintenant surtout, c'est cette rencontre, c'est formidable de faire de la musique ensemble, de partager. Je ne la fais pas avec eux, puisque je ne joue pas. Mais enfin, dans tout le travail de création, c'est un partage extrêmement proche. une relation qui, à certains points, est quasi osmotique. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont, eux, maintenant, ensemble. Oui. Ils ont une relation quasi osmotique. Maintenant moi, je ne veux pas dire que je me sens en dehors, parce que je me sens encore très, très prise et très touchée par ce qu'ils font. Mais maintenant, ils se débrouillent très bien sans moi. Vous savez, ils n'ont plus besoin de moi. C'est un, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de les entendre, de venir les entendre. Mais vraiment, Charles a joué sa pièce. Il a arrêté de compter après une trentaine de fois. Et comme il continue et qu'il continue, on ne sait plus où il en est. Carole et Bruno, pour leur duo, l'ont joué déjà, je crois, une quinzaine de fois. Et les trois nageurs là, puisque quand on fait le trio, évidemment, on fait le numéro 3 qui représente le trio. Ça va être la 7e ou 8e fois ce soir qu'ils vont la jouer. D'accord. Je crois que c'est très juste qu'ils commencent seulement maintenant à maîtriser. Pour eux-mêmes. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que j'étais émerveillée depuis le début, mais la comparaison que j'ai faite, c'était comme un bouton de rose, the rosebud. Et là, plus il le joue, plus la rose s'épanouit délicatement et ils sont. Puis ils ont maintenant une maîtrise et une maturité magnifique, magnifique. Mais bon, ce sont des très grands musiciens. Hein, tout. Je ne pense pas qu'un débutant pourrait faire ça. Justement, c'est trop déconcertant. Par rapport à l'intonation juste, cette question qui m'intéresse particulièrement aussi, une question, j'ai cru comprendre que, et j'ai lu évidemment aussi, que vous étiez très intéressé au bouddhisme tibétain, vous pratiquez ça. Et là, donc, tout ce qui est musique en dehors de l'Europe, de cette évolution très particulière qu'a pris la musique classique, en fait, il y a justement une écoute très différente, ou il y avait, parce que ça a beaucoup changé aussi ces dernières années, qui est basée justement sur une écoute qui passe beaucoup par la résonance du corps, par une écoute fine des intervalles naturels, etc. Est-ce que pour vous ça jouait sur votre propre évolution musicale? Étrangement, j'ai rencontré le bouddhisme grâce à la musique que je faisais, et elle était déjà. D'accord. La première qualification qui lui a été donnée, c'était de méditative, alors que je n'avais pas encore rencontré le bouddhisme. C'était, je me souviens, sur la côte ouest, au Karat, que j'avais donné, 6847, que je vais donner à Berlin la semaine prochaine. Et dans sa version originale analogique, si les contrôles de police parce que j'étais furibarde, mais habituellement, chaque fois que j'ai voyagé, je leur demandais de passer les bandes en dehors. Donc, ils n'ont rien voulu entendre. Alors, donc, il est possible que. Ben, bon, on a une version numérique, mais qui n'a plus cette. Donc, normalement, ça devrait être donné à Berlin, les 6847, qui pour moi a été la première pièce sur laquelle j'ai un petit peu approché ce que je voulais faire, un petit peu. Avant, c'était chercher. Et c'est à l'occasion de cette pièce qui avait été donnée au Calat que ça a été appelé musique méditative, et c'est, je crois, en 74 ou 75 à Mills College, cette fois, où des étudiants bouddhistes sont venus vers moi, puis voilà. Et puis je ne dirais pas que c'est comme obélisque, mais dès que c'était pour moi évident, ben, je veux dire, mon étude du bouddhisme allait parfaitement de soi. Et simplement, bon, à cette époque-là, je devais dire quelque chose d'idiot, mais ça fait rien. Je pensais presque faire carrière en bouddhisme, enfin, je veux dire, aller me consacrer totalement au bouddhisme et laisser la musique me semblait moins importante que la profondeur de ce que je découvrais à travers le bouddhisme et les grands maîtres que j'ai eu le plaisir de rencontrer, et surtout le maître, le très grand maître que j'ai eu la chance de d'un contact personnel. Puis bon, c'est ce maître qui a dû considérer que j'étais probablement pas assez douée pour faire une carrière bouddhiste, qu'il fallait mieux que je retourne à ma musique. Ah, peut-être il a trouvé que c'était votre chemin. Que ah oui, ça, sans doute. Sans doute, mais donc, et avec plaisir, parce que alors, je dis aussi quelquefois en plaisantant, je dis, en fait, il devait en avoir assez, parce que bon, il y a, vous savez, les communications très subtiles, que ce soit d'entendre dans ma tête tout le temps des cheminements sonores comme ça, en disant, bon, avec tous ces cheminements sonores, qu'elle aille les faire. Ouais. Enfin bon, c'est une plaisanterie parce que je n'en sais rien. Mais, mais donc, je suis revenue. Et à ce moment-là, pour rendre hommage à cette grande révélation, si j'ose dire, que j'ai eue, la profondeur de la pensée bouddhiste qui est plus qu'une religion, qui n'est pas un théisme, mais qui est une grande profondeur philosophique. Et, je n'ai pas la qualification d'en parler, je suis toujours une éternelle étudiante et débutante sur le chapitre. On est tous. Mais ceci étant, c'est effectivement une partie très importante toujours de ma vie. Coutume de dire que je fonctionne sur deux rails. Bien, la musique et le bouddhisme. Oui. Et est-ce qu'il y a eu une influence, je n'aime pas ce mot influence, mais un rapport par rapport aux musiques de cette tradition-là ou... Justement, pas vraiment. Sauf qu'il m'est arrivé pour des travaux, parce que j'ai quand même fait trois pièces qui étaient directement, c'était une sorte d'hommage que je voulais rendre, les chants de Milarepa, par exemple, Jetsu de Mila, qui est la vie de Milarepa, et la première pièce de la trilogie de la mort, sur le bardo Todol, c'est-à-dire où je respectais un très très beau texte qui évoquait les six états intermédiaires de conscience, enfin, entre la naissance et la renaissance, trois dans cette vie, trois, etc. Enfin, et j'ai à ce moment-là utilisé un peu retravaillé à ma manière quelques-uns des enregistrements que j'avais faits, soit de la voix dans les chants de Milarepa, où il y a des voix que j'utilise, soit des galings dans la première de la trilogie. Et le galing, c'est comme un hautbois, mais qui est joué en souffle, en bois à double hanche, et qui est joué en souffle continu. C'est assez acrobatique. Et j'ai utilisé, je crois que c'est à la fin de la dernière pièce de la trilogie, où j'ai utilisé des sons de ragdung. Les ragdung, ce sont les très grandes trompes qui se jouent à deux, avec les souffles qui s'alternent pour garder la continuité. Mais en ce sens, oui, je peux dire que j'étais influencée, mais parce que j'ai toujours été très attirée par... D'abord, en musique classique, j'ai toujours été très attirée par les mouvements lents, beaucoup plus. Et j'ai le souvenir, très souvent, dans l'époque des 33 tours, quand j'écoutais par exemple le deuxième mouvement du concerto en sol de Ravel, qui est... j'allais vite arrêter quand c'était terminé, parce que j'avais pas du tout envie après ça. Éventuellement, je les écoutais tout seul, mais bon, sinon, c'était pas ça. Et là, maintenant, j'en trouve la raison. Parce que dans la musique que nous faisons maintenant avec ces musiciens pour obtenir le maximum donc, de ces partiels, de la vibration, ces partiels harmoniques, subharmoniques, parce qu'il y a aussi des harmoniques inférieures à la fondamentale qui se produisent, qui forment des pulsations très lentes, ça ne peut être qu'avec des sons tenus. Comme un chanteur, la dernière note, il donne Sinon on toute pas sa voix, et alors là, on sent, on entend tout ce grand jeu qui se déploie. Alors, c'est aussi une raison, c'est nécessaire. Et aussi, plutôt dans des nuances piano, avec quelques petits mezzo forte de temps en temps, mais c'est une petite coquetterie de temps en temps. Mais parce que sinon, la fondamentale devient trop prédominante et on n'entend plus ce jeu très délicat. Donc il y a une raison à tout. Tout a une raison. C'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est par hasard. Non, mais c'est formidable de découvrir ça après coup, parce que on est guidé. Vous avez été guidé dans cette lenteur entre guillemets, en fait, qui est plutôt une sorte d'écoute plus profonde. Et puis après, vous découvrez la raison, mais vous avez fait confiance à vous-même finalement dans cette. Je ne dirais pas que je me suis fait essentiellement confiance, parce que je n'imagine pas qu'il puisse y avoir eu de critique plus féroce que j'ai pu être par rapport à mon propre travail. Vraiment, où c'était par moments, parce que c'était surtout que c'est pas tellement facile. Mais cette lenteur, je l'avais déjà, la lenteur technique d'abord, pas qui exige beaucoup de, comme pour eux, pour les musiciens, c'est de la haute virtuosité ce qu'ils font. La virtuosité, c'est pas seulement la rapidité, mais c'est de la haute virtuosité de tellement contrôler le son. Je l'avais développé justement dans la partie antérieure au synthétiseur, avec les feedbacks, que ce soit entre le fameux Larsen, entre un micro et le loudspeaker et le haut-parleur. Le haut-parleur, voilà. Où il faut toujours garder la juste distance, parce que si vous approchez trop près, et puis si vous éloignez trop, ça disparaît. Et par contre, si on arrive à trouver la juste distance, on peut arriver à faire évoluer son en très lentement, en bougeant très lentement le micro, mais c'est vraiment à un cheveu près. Et c'est la même chose pour les feedbacks par micro-injection entre deux magnétophones. Il suffit quelquefois d'une toute petite touche sur un des potentiomètres de lecture pour faire évoluer les choses. Et même le synthétiseur. Le synthétiseur, ça exigeait aussi... il y avait une quarantaine de paramètres qui pouvaient être contrôlés et menés, mais c'était quelquefois de tourner de l'épaisseur d'un cheveu. Sinon, tout disparaissait et devenait trop violent. Alors, techniquement, j'en avais développé la technique, mais ça correspondait à ce que j'avais envie, parce que mon oreille voulait entendre aussi. Je crois que je vous ai tout dit, là. Et je pense qu'on pourrait continuer. Il y aurait beaucoup de choses que j'aurais envie de vous dire, mais c'est à moi de vous poser des questions plutôt pour notre émission. Mais peut-être une dernière question, parce que je regarde un peu l'heure. Quelqu'un vient vous chercher? Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Non. Une question par rapport au rôle que vous voyez peut-être plutôt pour la musique dans notre société aujourd'hui, ou est-ce que vous-même, vous sentez que par rapport à l'écoute, par exemple, que vous avez décrit là, cette écoute fine, est-ce que la musique, aujourd'hui, dans ce monde très bruyant et compliqué, joue un rôle, Je vais vous dire quelque chose de terrible. Je ne m'en suis jamais vraiment préoccupée, et pas davantage maintenant. Parce que j'ai pris dans ma vie professionnelle, j'ai eu un grand pendant une dizaine d'années où j'ai eu trois enfants, et donc j'habitais Nice, il m'était impossible de faire quoi que ce soit parce que le matériel à cette époque était horriblement cher et je ne pouvais pas avoir de studio privé. Et donc quand j'ai pu retrouver les possibilités de travail, j'avais déjà, donc, enfin, je m'y suis consacrée totalement. Et je suis extrêmement entière dans tout ce que je fais. De la même façon que c'est... Bon, souvent, il y a des mouvements féministes qui ont essayé de me recruter. Bon, je ne suis absolument pas contre, et vraiment au contraire. Mais je leur expliquais que j'étais tellement entière que si je m'occupais d'un mouvement féministe, je deviendrais une véritable passionnariat et je ne ferais plus de musique. Mmh. Et qu'entre les deux, j'ai choisi de faire de la musique. Et je crois que j'ai pu faire cette musique parce que justement, je ne me suis jamais vraiment interrogée. Jamais, ni sur les qualificatifs qu'on lui a donnés, parce qu'on lui a donné, peu importe, hein, minimaliste, spectral, enfin, quels que soient les... ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon problème. Et là, je me contente de constater ce que vous dites, par exemple, à propos du corps. Ça fait partie, effectivement, des choses que beaucoup d'auditeurs me disent, c'est-à-dire que la... Surtout pour la musique électronique, qu'il y a des rythmes qui vont avec la respiration, qui vont avec différents mouvements du corps, et c'est une musique qui parle au corps. Et je sais qu'il y a beaucoup de danseurs qui l'utilisent pour leur mise en route, enfin pour leur entraînement quotidien. Il y a aussi... homme de théâtre tel Louis Charles Forman qui voilà, les professeurs de yoga qui l'utilisent, donc il est évident que ça a un effet sur le corps puisque des grands spécialistes du corps, ce que je ne suis pas, trouvent une relation qui leur convient. Et socialement, je dirais que si j'avais dû m'interroger là-dessus, j'aurais jamais pu faire cette musique-là, parce qu'il est clair que ça n'intéressait, ben, il y a 30-40 ans, ça n'intéressait personne, sauf des musiciens. Les premières personnes qui ont été intéressées par mon travail, ça a été des musiciens et pas des moindres, croyez-moi. Et c'est surtout eux qui m'ont beaucoup soutenue. Mais ça a pris énormément de temps avant que cette musique-là soit acceptée, soit non seulement acceptée, mais maintenant j'ai la joie de recevoir de la part de jeunes musiciens des lettres, des CD qu'ils m'envoient et qui me disent l'influence que ma musique a pu avoir sur eux. Et ça, je trouve que c'est l'ultime récompense. C'est-à-dire de savoir que ce travail que j'ai fait, de toute façon, je vous dis, très aride, très solitaire, d'où la difficulté aussi d'avoir été tellement critique par rapport à ça. Tout ce que je faisais était soumis à différentes zones d'écoute. Il y avait et la pire étant l'écoute technique, parce que l'écoute technique, je disais mais c'est pas vrai, tout est à refaire, parce que je n'ai jamais eu un très bon matériel technique. Celle qui passait, c'était celle où je m'abandonnais, où je cherchais pas à comprendre. Mais toutes les autres écoutes, de mise en place et tout ça, c'était toujours hyper critique, ce qui est épuisant. Et donc j'avais bien assez à faire avec ça pour me préoccuper. Et je me souviens qu'à l'époque, un de mes amis m'avait dit, un de mes amis musiciens, il m'a dit oui, mais c'est justement peut-être pour ça que tu fais cette musique-là. Parce que justement, il me dit c'est très égoïste, mais je ne pouvais pas, si j'avais dû m'interroger. Ça m'aurait enlevé déjà, il fallait déjà que je donne beaucoup d'énergie pour faire ce travail-là, parce que croyez-moi, il y a 40 ans, il n'y avait pas beaucoup d'amateurs. Hein. J'imagine, en plus, vous êtes une des rares femmes qui ont travaillé là-dedans. Oui, j'ai d'éminentes consoeurs, mais qui ne font pas forcément ce type de travail. Oui. Moi, je pense à Michel Bokanowski, à Pauline Oliveros, à Annie Lockwood, qui sont de merveilleuses amies, à Wes Anderson, j'ai de merveilleuses amies, dont le travail est formidablement intéressant. Mais ce n'est pas la même direction. Nous estimons réciproquement nos travaux. Voilà. Mais c'est beau, ça. Oui. Mais je pense que dans cette écoute très fine et approfondie, à mon avis, vraiment quelque chose de très important qui joue, et je trouve ça très beau ce que vous avez dit, en fait, uniquement dans le moment où on creuse vraiment, en s'abandonnant peut-être complètement et sans trop se poser la question. C'est la seule écoute possible. Et c'est la seule chose, et ça je le sais pour l'avoir vécu, que je ne parle même pas de musique, là, mais que ce type de son et de recherche ne supporte pas, c'est l'écoute inattentive. Ça devient insupportable, c'est inaudible, je le sais. Les jours où justement je me sentais prête à tout détruire et à dire c'est fini, j'abandonne. D'ailleurs, au début, ça m'arrivait de prendre des magnétiseurs et de piquer ma colère, et puis de m'apercevoir après que, parce qu'il restait, que zut, c'était pas très malin. Mais donc, j'ai renoncé assez rapidement, et ce jour-là, je disais, bon, bah, très bien, j'allais faire un tour, me balader, et c'est ça. Et c'est aussi, j'ai souvent dit que cette musique était comme un reflet miroir de son propre esprit dans le moment où on est dans l'écoute. Ça réagit comme un miroir, on retrouve, parce qu'on peut, et ça on me l'a dit assez souvent, et moi-même, on n'écoute jamais deux fois de la même façon, on peut entendre la même pièce plusieurs fois, et on découvre à chaque fois, on décroche à d'autres moments, et c'est quelque chose qui je crois induit dans chacun sa propre musique. Voilà, là c'est réussi. Si chacun peut entendre sa propre petite musique intérieure simplement en s'abandonnant à ce type de son, on peut entendre tout ce qu'il veut, et pour, avec le corps et avec l'esprit, avec c'est ouvert, voilà, c'est ouvert. Je n'impose rien, je n'ai pas de grande théorie, je n'ai pas de grand processus, il n'y a rien de... C'est comme ça. Oui. En fait, c'est une belle façon de dire merci, en fait, parce que je pense qu'il faut y aller, peut-être, non ? Oui. Ce sont deux. Oui. Un grand merci. Mais merci à vous.